P-E-D-R-O-N-O-B-L-A-Z. Moi c'est le B-A-B-A du rap, de A à Z. Inconnu des gazettes, ma Z. Je m'affiche dans ma ville. Tout le monde se demande c'est qui se bat tout qui a l'air débile. Un vieux type, l'archétype du type qu'on classe vite, qui passe vite au fond près de la vitre, fermé comme une huître. Mais au micro c'est magique. J'm'agite, j'débite, j't'explique casse de la technique. J'pète le beat en 18, les rappeurs t'méniquent. T'es sûr que c'est lui qui kick, rappeur d'équipe et piquetique. J'éclipse les autres noms de la liste. Et comme tout le monde, tu bouges ta cour, tu plaques tout. Tu prends ta claque, ta prouve, tu moves sur ce nouveau groove qui craque tout. Vas-y, rappeur, rappe tout, ou laisse-nous mon patrimoine dans les mains. J'touche la cime comme le foot de Zizou. La rime, c'est mon bien, plus radin que les grippes sous. J'en mets des litres dans mon bain et j'm'y prélasse comme Picsou. Mon écriture, mon rap. Je n'envie pas ceux qui réussissent, je ne les envie pas. Le délire fout les médias, moi je n'en veux pas. Je veux juste de quoi me payer un bon repas. Toujours actif en pleine action, je ne me languis pas. Je file tout droit, je n'écoute pas les langues qui parlent. Je pleure parfois, les gens qui partent. J'écris des fois des choses qui marquent. Les roses s'éparcent, les sanglots en grande flaque. Passe la taille au goulot, je vais me tomber une grande flash. La vie nous passe dessus, elle nous met des grandes claques. Chaque fois on perd dessus quoi, le temps nous échappe. Cherche l'échappatoire, échappe au ton plan, évite la grande faux. Surtout les faux pas qu'on te retrouve mort sur l'échafaud. Les gars chauds montent à l'appel, les héros tombent à l'appel. Si personne n'entend l'appel, qui pourra dire je me rappelle. L, Y, O, N, on rappe tous les mêmes peines. Tous les mêmes thèmes, du kiff kiff à l'idem. De Sing Sing à l'Éden, des phases qui dépeignent. Des tranches de vie pleines d'ennui, allez bien je t'emmène. Ma rime se fait belle, décortique la vie au scalpel. Un bon cocktail consonne loyal, en gros du miel pour tes oreilles. Ici comme ailleurs, on ne fait rien sans oseille. Alors les zéros font des rappels, le rap en a des séquelles. Mon écriture, c'est qu'elle y croyait elle. À la possibilité de dépasser le réel. Utiliser sa science pour étendre ses ailes. Éveiller ses sens, s'envoler pour aller toucher le ciel. Mais les MC à bout de souffle, en bout de course, ne savent plus que parler de la taille de leur bourse. Un jour faudra retourner à la source, sinon à l'arrivée on aura tous perdu la course. Un jour faudra retourner à la source. À la source. À la source. Moi c'est le B-A-B-A du rap, de A à Z. Inconnu des gazettes, ma Z. Je m'affiche dans ma ville. Tout le monde se demande c'est qui se bat tout qui a l'air débile. Un vieux type, l'archétype du type qu'on classe vite, qui passe vite au fond près de la vitre, fermé comme une huître. Mais au micro c'est magique, j'm'agite.